l'obéissance devient création. La gloire prend forme dans l'espace. Ce que tu inspires prend corps dans l'unité. Tu bâtis ta demeure au milieu des hommes. Quand l'unité se met à servir, et même l'ouvrage le plus humble devient un lieu pour ta gloire à venir. Tu bâtis ta demeure au milieu des hommes.